Escucha. Brand new. ¿Quieres ver una magia? That was. C'était en 2007 que tout a commencé. J'poussais la chansonnette afin de me lancer. C'était dans les discothèques de Normandie que j'faisais danser. Jamais j'n'aurais pensé pouvoir chanter dans toute la France. Puis danser, rencontrer, c'était un concours de circonstances. Moi je ne savais que danser. Si on m'avait dit que j'en arriverais là, et moi qu'un jour je vivrais ça, jamais je n'aurais pu l'imaginer. On s'est donné rendez-vous, oh, juste un peu moins de 10 ans après. On s'est donné rendez-vous, rendez-vous, oh, j'ai l'impression que nos débuts sont si près. On s'est donné rendez-vous, rendez-vous, oh, juste un peu moins de 10 ans après. On s'est donné rendez-vous. On a commencé dans des petites boîtes en disant on avait plus de mieux.